Après cinq bébés, c'est l'heure de me zoner, de manger une attaque de train. Faut se préserver, si on veut durer, reste toujours numéro un. Après cette bébé, ton excuse est floue, t'es allé revoir le fils du chef. Me faire ça moins d'habitude quand je rentre, tout est sec. In a pay blue, in a pay blue, in a pay blue, in a pay blue, in a pay blue, in a pay blue. Merci, c'est gentil. Ouais, comme ça on sera face à face. Ouais, on sera plus sympathique quand même. Ouais, moi je m'amène. Ouais, c'est bien fait. Non, mais je suis un peu trop gras. C'est des dernières lumières de ce circo que j'ai acheté. Tu sais, je l'ai mis dans mon, j'avais mis dans mon blouson comme ça. Oh merde. Quand j'ai ressorti, regarde. J'ai eu du bol, hein. Tu m'étonnes. Surtout celle-là, je suis pas prêt. Déjà, j'ai. C'est les hunters, c'est mon... j'ai eu tellement de mal à les trouver. J'ai mis 20 ans à les trouver ça. Mais ils vont pouvoir les réparer, hein, si tu... Tu crois qu'ils peuvent les bah ouais, réparer bah là-bas, oui. Comme bah ça non, mais ça va, là. C'est... Ah ouais. Non, mais c'est... Tu vois, c'est... Ouais. Ouais, c'est pas mal, quand même. Alors, regarde. Mais faut... on peut toujours poser la question. Oui, mais il y en a... En tout cas, sur la rue des Abbas, il y a... Pardon? Vous voulez pas lâcher le bébé? Non, j'ai essayé, mais je peux pas. Voilà, le... Si tu sais de sortir après. Moi, je vais maigrir un ouais, peu. C'est ça. Que la prochaine fois, je serai. J'arrive sur le toit. Sinon, ça va? C'est une période difficile pour oui, moi. Oui, hein? OK. Au niveau de ta santé? Non, c'est... j'ai perdu ma mère il y a quelques jours. Mais sympathie. Et puis, je... voilà, il y a. Le jour où je l'ai appris, j'ai appris, alors qu'il était mort, j'ai appris la mort de Vangelis aussi. Ouais. Et Vangelis et moi, on a commencé ensemble quand même. Ah oui, Vangelis, c'est... Ouais. Bah, notre premier succès, c'était en tous les deux. Ah, hein, c'est vrai. Donc ça me... Faut que je rappelle. Ah oh, oui, bah, oui. Enfin, j'appelle ma... Excuse-moi, je suis... Non. Il n'y a aucun problème. Oui, Marco, c'est moi. Je viens d'arriver là au bar Le Sancerre avec le journaliste et puis Renaud. Renaud, ce soir, il a ses petites nièces avec lui, les petites chinoises. Il voulait savoir si tu... Il a ses petites nièces, ses petites chinoises. Est-ce que tu veux qu'on aille manger ensemble? Ben, je sais pas. Non, elles ont envie de manger asiatique, elles sont chinoises, mais pour les petites nièces. C'est les petites nièces de Renaud, qui ont été adoptées par sa sœur. T'es d'accord? Ok, on va se débrouiller. Ok, je t'embrasse. On mangeait au Kinawa, ça irait ou pas? Ouais, c'est bien, ouais. Ouais. Elle est d'accord? Okinawa, elle est d'accord. Eh ben super. Plus loin? Parce que je suis en voiture, je suis garé juste là. On peut peut-être retrouver le chinois du bon marché ou un truc comme ça, tu vois. Je te laisse faire. Laisse-moi manger. Bon, pour l'instant, on sait que c'est oui. On mange ensemble. Tu vois, je dois le faire. S'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose. Oui, la lunetterie sur la rue des Abeilles, c'est à gauche.